1 Jean chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons à cette marque que nous aimons les enfants de Dieu, c'est lorsque nous aimons Dieu, et que nous gardons ses commandements. Car c'est en ceci que consiste notre amour pour Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont point pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu, surmonte le monde, et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ce Jésus, le Christ, qui est venu par eau et par le sang, et non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, or l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit, et ces trois-là ne sont qu'un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, savoir, l'Esprit, l'eau, et le sang, et ces trois-là se rapportent à un. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus considérable, or c'est là le témoignage de Dieu, qu'il a rendu de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, a au-dedans de lui-même le témoignage de Dieu, mais celui qui ne croit point de Dieu, l'a fait menteur, car il n'a point cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et c'est ici le témoignage, savoir, que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils, a la vie, celui qui n'a point le Fils de Dieu, n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Et c'est ici la confiance que nous avons en Dieu, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que nous lui demandions, nous le savons parce que nous obtenons les choses que nous lui avons demandées. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui n'est point à la mort, il priera pour lui, et Dieu lui donnera la vie, savoir, à ceux qui ne pêchent point à la mort. Il y a un péché à la mort, je ne te dis point de prier pour ce péché-là. Toute iniquité est un péché, mais il y a quelque péché qui n'est point à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu, ne pêche point, mais celui qui est engendré de Dieu, se conserve soi-même, et le malin esprit ne le touche point. Nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais tout le monde est plongé dans le mal. Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, savoir, en son Fils Jésus-Christ, il est le vrai Dieu, et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen.